aussi, si vous me le permettez, puisque moi j'ai envie de commencer cette année dans le positif, dans l'humanitaire, dans l'aide, dans l'entraide. Donc je voudrais aussi passer une très très très très grosse dédicace à toutes ces associations qui aident les gens en difficulté. On a des maraudeuses et des maraudeurs qui sont sur Nanterre et Colombes, qui se déplacent tous les week-ends. Le week-end prochain, ils partent de Colombes et Nanterre jusqu'à Calais pour aller aider les migrants. Donc voilà, pour que cette année elle soit une année de partage, aussi rendre hommage à Baraka City, Oumma Charity, le Secours Islamique, la Croix-Rouge, tous ces gens-là qui travaillent dur. Et puis, Monsieur Bourdin, je vous embrasse très fort et continuez à travailler, même si c'est vrai que de temps en temps, moi je vous écoute tout le temps. Des fois, je suis un petit peu énervé parce que on n'est peut-être pas d'accord sur tout. Mais en tout cas, votre émission, elle est superbe. Continuez à travailler comme vous le faites. Et puis, voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse. Les standardistes, ceux qui m'ont accueilli au téléphone. Et puis, à tous les Français. Merci, Nordine. Journée. Et mes collègues du travail aussi. Merci, Nordine. Merci, 9h19. Ça, c'est sympa. Hein. C'est la communauté.